discothèque. Quand j'arrive là, je fonce direct, enfermé dans ma boule de verre. Mes deux platines, mes deux amplis sont déjà prêts à fonctionner. J'ai trop de disques, je les mets en place, ça y est, je suis prêt à commencer. Les gens qui rentrent et se bousculent,